Ce colloque est fondé sur un ensemble de une série de couples, et Charles Quint et François Ier forment sans doute le plus connu de ces couples. J'ai pris le « et » non pas comme une invitation à la comparaison, mais plutôt comme une invitation à l'analyse des relations entre l'un et l'autre. Et on verra plutôt la façon dont Charles Quint considère son adversaire François Ier. Maintenant, pour analyser la vie d'un couple, il est toujours bien d'avoir un regard extérieur. Et du coup, je partirai d'une autre configuration. Bon, vous savez, on a parlé tout à l'heure de la construction européenne et on a un dialogue franco-allemand qui est extrêmement important, mais le dialogue franco-anglais est aussi important. Donc je partirai de la guerre de Cent Ans pour analyser les relations entre Charles Quint et François Ier. Dans un article qui va paraître tout prochainement dans la Revue historique, le professeur Jean-Marie Meuglin, qui revient donc sur la guerre de Cent Ans, dont il est un grand spécialiste, a analysé les mutations des discours des belligérants, les deux rois de France et d'Angleterre. À la fin du XIVe siècle, nous dit-il, la guerre entre Édouard III et Philippe de Valois est une guerre entre deux hommes avant tout, deux ennemis qu'oppose une querelle personnelle. Les accusations qu'ils se lancent exprime la haine farouche qu'ils se vouent mutuellement. Ce n'est que progressivement et au fil des générations que la représentation du conflit se transforme. Au début du XVe siècle, il est désormais considéré comme une guerre entre deux royaumes. Et c'est parce que désormais on prend en compte les souffrances des populations qu'enfin Henri V et Charles VI peuvent conclure la paix. Le médiéviste met ainsi en lumière deux représentations du conflit qui sont contrastées. La première est inspirée par l'idéologie chevaleresque, issue de la légende arthurienne. Elle s'exprime sur le mode du défi, du vœu, de la prouesse. Elle laisse place ensuite à un discours de déploration sur les malheurs de l'interminable guerre. Et c'est ce dernier discours qui ouvre enfin la possibilité à un compromis. Car pour le bien des peuples, le roi anglais renonce à ses droits sur la couronne de France. Guerre entre deux hommes ou guerre entre deux royaumes, idéologie chevaleresque contre ouverture au compromis, cette intéressante analyse m'a semblé pouvoir être mise à l'épreuve sur le terrain de cette autre interminable guerre qu'a été le conflit entre Charles Quint et François Ier. Un conflit qui d'ailleurs n'avait pas commencé avec eux, puisque la rivalité franco-espagnole se joue déjà en Italie au temps des rois catholiques. Et un conflit qui, comme on le sait bien, se prolonge entre Habsbourg et Bourbon jusqu'au début du XVIIIe siècle. La composante personnelle de ce conflit est un lieu commun de l'historiographie depuis les études de Mignet et sa rivalité de François Ier et de Charles Quint. Mais les ouvrages récents se sont plutôt attachés, me semble-t-il, à montrer que cette rivalité entre le Habsbourg et le Valois n'était qu'un des multiples fronts sur lesquels l'empereur intervenait. On a ainsi pu mettre en évidence un autre couple, qui est celui que forment Charles Quint et Soliman le Magnifique dans leur affrontement à distance. Donc en attendant l'éclairage que Madame Sylvaine Édouard offrira sur l'historiographie, on propose ici de relire quelques-uns des discours et des lettres de l'empereur pour mettre en évidence la posture qu'il adopte face au roi de France. Est-il plutôt du côté d'Édouard III et du défi chevaleresque ou de Charles Quint, de Charles V et de la guerre entre deux royaumes? Alors à l'évidence, à l'époque de l'élection impériale en 1519, c'est le discours de l'engagement personnel qui prédomine. Dans la lettre qu'il adresse aux électeurs d'Empire, Charles se donne comme le continuateur de ses ancêtres, Frédéric III et Maximilien Ier, pour ce qui est de sa germanité, et surtout Ferdinand d'Aragon, dont il veut imiter la guerre contre les infidèles. Par l'aide et puissance de cette notre nation germanique, promet l'empereur, nous ferions un glorieux exploit sur les dix infidèles, en un bref temps, avec l'aide des sujets des royaumes et autres pays que nous possédons à présent. Le glorieux exploit dont il s'agit est un fait d'armes exceptionnel, ce qui montre que nous sommes bien ici dans le registre de la chevalerie. Les objectifs sont proprement héroïques. Je reprends ce que dit l'empereur. Il veut nourrir et mettre à paix par toute la chrétienté, mais aussi dresser totalement notre force et puissance à la défense, conservation et augmentation de notre foi. Alors, comme l'a souligné Franz Bosbach dans un ouvrage Monarchia Universalis, publié déjà en 1988, Le projet de monarchie universelle porté par Charles Quint et par son chancelier Mercurino Gattinara visait à la felicitas temporum, à l'établissement d'un bonheur terrestre dont la paix était la condition nécessaire. Mais ce projet pacifique en Europe avait aussi pour complément la guerre contre l'infidèle et l'hérétique jusqu'à leur complet anéantissement. À l'arrière-plan de l'image que Charles projette de lui-même, se profile l'empereur messianique, celui qui doit reconquérir Jérusalem et rassembler tous les peuples dans la foi chrétienne. Une mission dont l'accomplissement constitue, et on en est convaincu à l'époque, constitue le prélude à la fin des temps. La guerre est une guerra divinale, ce qu'on pourrait traduire par une guerre pour la cause divine, et c'est une expression que je reprends, que j'emprunte à l'évêque Alonso de Cartagena, Alonso de Cartagena, au XVe siècle. Le chevalier chrétien, en effet, ne combat pas pour obtenir des gains matériels, territoriaux ou autres, mais pour faire reculer les forces du mal. Dans cette lutte, les sujets n'apparaissent que comme les auxiliaires de leur souverain et leur seigneur naturel. Leur aide est un dû. En contrepartie de ce dû, la paix leur est promise. Mais il n'est pas question ici des souffrances que les ambitions de l'empereur pourraient causer à ses peuples. Ce discours, qui pointe donc dès l'élection impériale, se développe après la victoire de Pavie. Car en effet, cette victoire éclatante est enfin le début de la réalisation de l'exploit promis en 1519. Le secrétaire impérial Alfonso de Valdés, qui est la plume du chancelier Gattinara, replace la victoire dans sa dimension eschatologique et il est important de citer ce passage. Il semble, écrit Valdés, que Dieu a donné cette victoire à l'empereur afin qu'il puisse non seulement défendre la chrétienté et résister à la puissance du Turc si celui-ci osait s'y attaquer, mais après avoir apaisé ces guerres civiles que sont les guerres entre chrétiens, aller chercher les Turcs et les Maures sur leur territoire et, exaltant notre sainte foi catholique comme l'avaient fait ses ancêtres, recouvrer l'empire de Constantinople et la sainte maison de Jérusalem que pour nos péchés ils occupent encore, afin que, comme le disent de nombreuses prophéties, sous le règne de ce prince très chrétien, le monde entier reçoive notre sainte foi catholique et que s'accomplissent les paroles de notre Rédempteur, qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et un seul pasteur. Alors évidemment, ici, on passe directement de la capture de François Ier à Pavie sur le champ de bataille au recouvrement de l'Empire de Constantinople et à l'écrasement des Turcs, car la capture du roi de France est un premier pas sur le long chemin qui doit mener à Jérusalem. Et elle confirme surtout, dès qu'elle se produit, l'élection divine en faveur de l'empereur. Encore une fois, on ne peut pas personnaliser davantage la représentation du conflit. Mais la relation qui prédomine au lendemain de Pavie n'est pas une relation horizontale de rivalité entre Charles Quint et François Ier. Ce qui est essentiel dans les discours, c'est bien plutôt cette relation verticale privilégiée entre Dieu et l'empereur, un échange de bienfaits entre l'un et l'autre. Ainsi, au printemps 1525, Charles Quint décrète l'expulsion des musulmans de la couronne d'Aragon. Les musulmans avaient déjà été expulsés de la couronne de Castille en 1502. Cette expulsion de la couronne d'Aragon, donc décrétée en 1525, entérine toute une vague de conversions forcées qui avait eu lieu 4 ans plus tôt lors d'une grande révolte antiseigneuriale dans le royaume de Valence, la révolte des Germanias. Selon le chroniqueur Sandoval, qui rapporte les paroles de l'empereur, celui-ci justifie sa décision. Alors, une décision qui est politiquement très risquée parce que la conversion des musulmans aboutit aussi peut-être à priver les seigneurs qui exploitent ces paysans musulmans de nombreuses ressources fiscales. Donc politiquement, c'est une décision compliquée. Mais l'empereur passe outre aux objections prévisibles et il dit, selon le chroniqueur, « Advienne que pourra, ma décision est que, puisque Dieu a placé mon ennemi, le roi de France, entre mes mains, moi, je conduirai les musulmans, ses ennemis, à sa foi, parce que je ne peux donner à Dieu un plus grand témoignage de ma gratitude pour les bienfaits si nombreux et si grands que j'ai reçus de sa main, que de purifier tous mes royaumes des infidèles et des hérétiques. » Alors l'empereur répète ici le geste des rois catholiques qui, en 1502, lorsqu'ils avaient expulsé les musulmans de la couronne de Castille, avaient fait de cette décision un acte de remerciement à Dieu qui avait permis l'achèvement de la reconquête et la prise de Grenade. En 1525 et 1526, la certitude qu'a désormais l'empereur de recevoir personnellement une assistance divine, certitude donc qui se fonde sur la capture providentielle du roi de France. Cette certitude donc l'incite à porter remède aussi à la situation spirituelle de ses états. Et on peut voir une relation de causalité entre la capture du roi de France à Pavie, mais aussi en Espagne, la conversion des musulmans de la couronne d'Aragon, ainsi que la fondation d'un tribunal d'inquisition à Grenade, dirigé contre les morisques, c'est-à-dire ceux des musulmans qui étaient convertis depuis une génération, et même encore la répression des courants illuministes, des courants spirituels un peu déviants. Tout cela semble traduire la volonté de rétablir l'ordre en matière de foi, en remerciement aux bienfaits reçus de Dieu. Alors évidemment, dans cette configuration, le roi de France n'existe plus ici que comme un simple objet dans l'échange amoureux qu'entretient Charles Quint avec Dieu, à tel point que d'ailleurs l'empereur ne sait pas comment, en réalité, transformer son otage en accroissement de puissance. Pour prix de ce cadeau de la Providence, il demande bien plus que ce que la raison humaine et son confesseur lui conseillent. Il demande la renonciation à toute prétention en Italie, l'engagement à rétrocéder le duché de Bourgogne, le mariage de François avec Éléonore, sa sœur aînée, et les deux fils de France en otage. Donc des conditions extrêmement dures, et en particulier la récupération du duché de Bourgogne, qui est vraiment un axe de la politique de Charles Quint qui lui tient à cœur, et quelque chose d'inacceptable pour la France. Il est alors incapable de concevoir une solution de compromis, et cette vision des choses les engage tous deux, son ennemi et lui, dans un engrenage de guerre qui se prolongeront avec leurs successeurs. Pierre Chaunu le dit dans la biographie qu'il a consacrée à Charles Quint. C'est ici que s'enclenche le mécanisme qui va durer jusqu'aux guerres de succession d'Espagne. On sait en effet que François Ier, qui ne se considère pas du tout tenu par les conditions qu'il a acceptées pendant sa pénible captivité à Madrid, dès sa libération, organise la Ligue de Cognac avec le pape Clément VII, Venise, Milan et Florence. La guerre reprend donc. Et l'empereur doit bien reconnaître que le roi de France, revenu à la liberté, n'est plus simplement un objet de transaction entre Dieu et lui, mais à nouveau, un acteur à part entière et toujours un ennemi. Les écrits de Charles Quint prennent en compte l'évolution de la situation, si bien que l'on entre à la fin de 1526 dans une deuxième étape, et c'est celle qui va durer jusqu'à la fin du règne, celle de l'inimitié personnelle, des griefs et de la rancune. Dans la lettre qu'il écrit à Henri VIII en août 1527, l'empereur se défend d'être le fauteur de la guerre, bien que ses troupes aient mis Rome à sac 2 mois auparavant et l'occupent encore. Prenant le roi d'Angleterre à témoin, il rappelle qu'il n'a pas anéanti le roi de France alors que celui-ci était en son pouvoir. Alors, dit-il, que nous aurions pu bien facilement nous venger des torts et des excès que le roi de France avait commis contre nous et recouvrer tout ce qu'il avait occupé et usurpé contre toute raison et justice, nous avons encore accepté pour le bien universel de tous de le délivrer, aimant mieux ne pas reprendre ce qui nous appartient justement que de poursuivre la guerre pour notre intérêt particulier. Ainsi, le mauvais usage de la force et l'usurpation des territoires sont imputés à François Ier. Cette rhétorique de l'affrontement personnel est exactement celle qui configurait les relations entre Édouard III et Philippe de Valois. La guerre est bien une guerre entre deux rois, dont les royaumes et les sujets sont absents. La différence avec le conflit franco-anglais réside, me semble-t-il, dans cette certitude inébranlable de Charles Quint, que j'ai évoqué tout à l'heure, de bénéficier d'une assistance divine, simplement en sa faveur. Car le sac de Rome, par un retournement d'interprétation frappant, est présenté comme le juste châtiment infligé par Dieu de la partialité du pape en faveur du roi de France, châtiment que Dieu a infligé au pape indépendamment de la volonté de Charles Quint. Nous voyons bien, poursuit l'empereur, que tout cela a été fait plus par l'effet d'un juste jugement de Dieu que par les forces et décisions des hommes, et que ce même Dieu en qui nous avons mis toute notre espérance a voulu tirer vengeance des torts qui se faisaient injustement contre nous sans qu'intervienne en quoi que ce soit notre consentement ou notre volonté. Et ce sera la thèse officielle de Charles Quint, celle que le secrétaire Alfonso de Valdés, le rédacteur aussi de la lettre à Henri VIII, exprime dans son dialogue des choses survenues à Rome par la bouche de l'un des interlocuteurs, Lactance. Autrement dit, la représentation du conflit comme une guerre de deux rois dont l'un est l'instrument de la justice divine qui lui dispense généreusement ses secours. Cette représentation est partagée par les proches conseillers de l'empereur. Elle donne forme au conflit. Elle réapparaît d'un discours à l'autre. Alors, on peut s'interroger ici sur la question de savoir si on peut poser la question de savoir si cette représentation est partagée par l'autre protagoniste, François Ier. L'échange de janvier 1528 entre les deux princes permet brièvement de comparer leurs discours. Le héros du roi de France, envoyé à Burgos, commence sa déclaration en évoquant les malheurs de la guerre. C'est à cause de l'obstination de l'empereur à refuser tout compromis sur la rançon de François Ier et sur la libération de ses enfants, dit-il, que le roi de France doit dénoncer les traités passés et reprendre la guerre. À cause de ce que vous n'y vouliez entendre, avertit François Ier, la paix universelle ne peut se faire en la chrétienté, les ennemis de la foi gagnent pays, toute l'Italie est en armes, sang et rapine. Alors le roi de France prend Dieu à témoin, mais il n'en fait pas pour autant son protecteur personnel. D'autre part, il énumère précisément ses buts de guerre, qui sont la libération de ses enfants, la délivrance du pape et les réparations au roi d'Angleterre. Si bien qu'à en croire le roi de France, une issue raisonnable au conflit est ouverte. De même, François Ier personnalise la querelle, mais il n'en fait pas une affaire de principe. Que Charles Quint revienne à la raison et tous deux pourront employer leurs forces ensemble contre les infidèles. Ainsi, François Ier ne semble pas se considérer ici comme investi d'une mission sacrée. Il ne pose pas en paladin, mais en père, désireux de délivrer ses enfants, et en frère, fidèle allié du roi d'Angleterre. Sa vision des choses est bien ancrée dans la foi chrétienne, mais elle est tout à fait éloignée, me semble-t-il, du providentialisme que professe l'empereur. En réponse, Charles Quint poursuit dans la même ligne et réfute point par point les justifications de son ennemi, à commencer par la responsabilité de la reprise des hostilités. Passant en revue les actes du roi de France, depuis l'occupation du duché de Milan au début de son règne, il dénonce ses manœuvres pour se faire élire empereur, les violations des traités de paix et son refus de restituer les territoires autrefois usurpés. Certes, cette dénonciation vise à laver l'empereur de toute responsabilité et en particulier à réécrire l'histoire de la captivité de François Ier en évitant toute allusion à la contrainte alors subie par le roi de France. Mais en renvoyant la faute de la guerre à son ennemi, en le présentant comme un obstiné, voire comme un impie, car, dit Charles Quint, le roi de France refuse de voir que sa défaite était un châtiment divin, Charles Quint s'enferme définitivement dans une représentation manichéenne. Le jeu des oppositions est encore plus évident dans le dernier discours que j'évoquerai, qui est ce grand discours que l'empereur prononce en castillan à Rome devant le pape Paul III, les cardinaux et les ambassadeurs le lundi de Pâques 1536. Alors Charles est à ce moment-là triomphal, il a été couronné empereur en 1530 et surtout il vient de remporter à Tunis une victoire dont il a soigneusement orchestré la propagande en embarquant des peintres, des poètes avec lui, qui étaient déjà des embedded journalistes. Et il a traversé triomphalement l'Italie pour arriver à Rome. D'autre part, il est convaincu que le roi de France projette une attaque massive en Italie pour s'emparer du Milanais. Il lui importe donc, dans ce grand discours, de se défendre, d'être l'agresseur. Il se défend en particulier de vouloir établir la monarchie universelle, ce qui est le grand thème de François Ier, c'est la grande accusation que lui lance François Ier. L'empereur continue toujours à protester de sa bonne foi contre la félonie du roi François, de son bon droit contre les usurpations de son adversaire et de sa propre générosité contre la cupidité du roi français. En l'espace d'une décennie, la violence des accusations a augmenté à tel point que François est désormais déclaré félon aux yeux de Dieu et du monde. Car il est vrai qu'il s'est entre-temps rapproché du sultan, qui est qualifié, lui, d'ennemi commun du peuple chrétien. La diabolisation de l'adversaire, me semble-t-il, est présente dans ce discours. Ce conflit, tel qu'il est présenté ici, d'ailleurs, n'oppose pas simplement deux rois, Mais Charles fait allusion à une séculaire rivalité et à l'affrontement de plusieurs générations de souverains. La Maison de France, d'une part, avec sa série de rois violateurs de trêve, et de l'autre, les très nobles et anciennes maisons d'Espagne, d'Autriche et de Bourgogne, dont les rois et empereurs ont été constamment trahis par les Français. Dans cette proclamation, on retrouve à deux siècles de distance la configuration des relations entre Édouard III et Philippe de Valois. Le roi d'Angleterre, en 1348, se présentait lui-même comme un roi pacifique, uniquement préoccupé par la défense de la foi et la lutte contre l'infidèle, en état de légitime défense contre un roi valois acharné dans son hostilité et qui bafouait les droits légitimes d'Édouard à la couronne de France. Charles Quint adopte face à François Ier une posture identique. Et rien ne manque à la symétrie des situations, ni la tactique de justification qui consiste à prendre le pape pour témoin de la querelle, et c'est vrai dans les deux cas, ni même le défi en combat singulier, défi qui est lancé pour éviter les malheurs de la guerre et y substituer un combat d'homme à homme en champ clos. D'autre part, Édouard III, qui voulait ressusciter la légende arthurienne, créa à ce moment-là l'ordre de la Jarretière. Charles Quint, on le voit dans ses portraits, ne se pare que d'un seul ornement, hein, le collier de l'ordre de la Toison d'or, fondé par Philippe de Bourgogne, et qui est le signe de reconnaissance par la suite des rois d'Espagne. L'initiative impériale de 1536 est ainsi enracinée dans une culture chevaleresque encore très vivace, comme en témoigne par exemple le mythe de Bayard élaboré peu après Pavie. La déclaration de Charles Quint prononcée devant le pape et les ambassadeurs se conclut donc par un cartel lancé en ces termes. Expliquons-nous donc tous les deux d'homme à homme. Confions aux armes notre affaire et qu'avec moi, le roi François entre en champ clos. Dès à présent, je le provoque et je lui lance un défi et je m'engage à me battre avec lui comme, quand et où il voudra et le jugera bon. Alors les récents biographes de l'empereur tels que Pierre Chaunu et Alfred Kohler, qui a écrit aussi une remarquable biographie de Charles Quint, ont écarté un peu cet épisode, voulant y voir un simple effet de propagande qui n'était pas à prendre au pied de la lettre. Et en effet, il était peu probable que Charles Quint, qui était d'une stature beaucoup moins impressionnante que François Ier, et qui venait juste de gagner ses galons sur le champ de bataille à Tunis, il était peu probable qu'il ait réellement eu la volonté de se battre avec lui d'homme à homme. Alors, pour voir un peu la signification de ce défi qui semble un anachronisme, d'une désuétude tout de même un peu consternante, puisque c'est sans doute l'un des derniers défis, il faut, je crois, le replacer dans cette culture chevaleresque médiévale telle qu'elle a été mise en évidence dans les récents travaux du professeur Claude Gauvard, qui est une grande médiéviste. Tout d'abord, rappelez que ce geste relevait de pratiques royales et nobilières qui, en 1536, pouvait encore apparaître comme d'actualité et non pas, comme nous aurions tendance à les juger, anachroniques, même si donc l'évocation du combat en champ clos devait rester une fiction. Ainsi, Louis XI avait reçu lui-même une lettre de défiance qu'il sommait de restituer les terres usurpées aux Anglais, lettre qui avait sans doute été rédigée à la cour de Bourgogne. Et surtout, ce défi est intimement lié à l'honneur. Il annonce une lutte entre deux adversaires d'égale qualité, une lutte à mort. Il s'agit ici d'exercer une vengeance et d'obtenir une réparation d'honneur. Mais cette guerre, qui est ainsi ouverte dans des formes ritualisées, est une guerre juste, une guerre de beaux faits. C'est ce qui la distingue. Alors évidemment, le but est de se venger, mais la vengeance est admise dans la culture nobiliaire. Mais ce n'est pas une attaque lancée par traîtrise. En inscrivant l'ouverture des hostilités dans le rituel du défi, l'empereur fait mieux qu'éviter de passer pour l'agresseur. Il se place sous le regard de Dieu. Il montre en lui l'incarnation du paladin chrétien, figure reprise 10 ans plus tard par le Titien dans son portrait de Charles Quint à la bataille du Mulberg que vous avez entrevu tout à l'heure. Et jusqu'à la fin, l'empereur reste figé dans cette posture du paladin en état de légitime défense contre les rois français félons. François Ier est mort depuis 10 ans. Lorsque Charles écrit à sa fille Jeanne, qui est régente de Castille et qui implore une conclusion rapide de la paix, Aussi n'ai-je jamais donné pour excuse des maux grands et nombreux que la guerre fait souffrir à la chrétienté que le peu de sûreté qu'il y a du côté des Français, comme l'a montré l'expérience du passé, puisqu'ils n'ont jamais tenu et ne tiennent jamais ce qu'ils promettent, qu'autant que cela leur convient. Je vous remercie.